tout est faute de rattraper. Un appel des soldats sortent pas de rater. Et j'essaye de gratter un 12 bar, bouge pas, tous pas. Sushi et l'eau, tu sais bien que je tousse. 220 dans le CLA, bitch. Comme si j'esquivais la DEA, bitch. Moi, je suis un descendant du FLN. On écoute pas ce qu'ils disent sur BFM TV. Sous mes essuie-glaces, y'a plus de 5 PV. Si je sens la patate, j'esquive le RTV. Arwah, tchouf, daré. Dessus, y'a plus de 5, 6, 7 couteaux. Bitch, H, plus de toto. On le fait facile comme lever moto. Et là, je roule automatique. Ma vie dramatique et son regard m'attire. Et quand je repense à mes proches partis, je me souviens que je suis un descendant de martyrs. Je suis invité à tous leurs blocs partis. Alors que je voulais pas la vie d'artiste. Si on fait parler, c'est ce qu'il faut faire. Dis pas ce que tu vas pas faire. Maroc et Vulgar pas faire. Dis pas ce que tu vas pas faire. Je suis trop low, oh, oh, low, oh. Découpe, recompte toujours. Low, oh, oh, low, oh. Toutou, toutou, c'est tout. Low, oh, oh, low, oh. Alger, Gaza, toujours. Low, oh, oh, low, oh. Sous condé, je suis trop low. Harbé fait Panam, c'est pas facile à voir. C'est la mort qui m'attend. Fuck ta vie t'avant. Grosse, cache ta magie carta. Kikap est capable. Regarde ça, c'est pas Koh-Lanta. C'est pas tentant. Kola traque un déco d'état. J'suis pas son père au comico, sali mot par mot. C'est nous par nous. Zanga, Ferry Waku par coup. C'est cas par cas. Entouré de criminels et trafiquants de shit hollandais. Chacun son affaire, t'es mal le VF sans commentaire. J't'ai dit qu'on va le faire. T'as la fleur brûlée, c'est ce qu'il faut faire. Dis pas ce que tu vas pas faire. Un rock et vulgar pas fier. Dis pas ce que tu vas pas faire. Là j'suis low, oh, oh, low, oh. Découpe, recompte toujours. Low, oh, oh, low, oh. Toutou, toutou, c'est tout. Low, oh, oh, low, oh. Agis, Gaza, toujours. Low, oh, oh, low, oh. Sous condé, j'suis trop low. Toutou, je suis trop low, oh, low, oh. Alger, Gaza,